Les deux maîtresses par Alfred de Musset. Chapitre 1er. Croyez-vous, madame, qu'il soit possible d'être amoureux de deux personnes à la fois? Si pareille question m'était faite, je répondrais que je n'en crois rien. C'est pourtant ce qui est arrivé à l'un de mes amis, dont je vous raconterai l'histoire afin que vous en jugiez vous-même. En général, lorsqu'il s'agit de justifier un double amour, on a d'abord recours au contraste. L'une était grande, l'autre petite. L'une avait 15 ans, l'autre en avait 30. Bref, on tente de prouver que deux femmes, qui ne se ressemblent ni d'âge ni de figure, peuvent inspirer en même temps deux passions différentes. Je n'ai pas ce prétexte pour m'aider ici, car les deux femmes dont il s'agit se ressemblaient, au contraire, un peu. L'une était mariée, il est vrai, et l'autre veuve. L'une riche et l'autre très pauvre. Mais elles avaient presque le même âge, et elles étaient toutes deux brunes et fort petites. Bien qu'elles ne fussent ni sœurs ni cousines, il y avait entre elles un air de famille. De grands yeux noirs, même finesse de taille, c'étaient deux ménechmes femelles. Avant d'en dire plus de ces dames, il faut parler de notre héros. Vers 1825 environ, vivait à Paris un jeune homme que nous appellerons Valentin. C'était un garçon assez singulier et dont l'étrange manière de vivre aurait pu fournir quelque matière aux philosophes qui étudient l'homme. Il y avait en lui, pour ainsi dire, deux personnages différents. Vous l'eussiez pris en le rencontrant un jour pour un petit maître de la Régence. Son ton léger, son chapeau de travers, son air d'enfant prodigue en joyeuse humeur, vous eussent fait revenir en mémoire quelques talons rouges du temps passé. Le jour suivant, vous n'auriez vu en lui qu'un modeste étudiant de province, se promenant un livre sous le bras. Aujourd'hui, il roulait carrosse et jetait l'argent par les fenêtres. Demain, il allait dîner à 40 sous. Avec cela, il recherchait en toute chose une sorte de perfection et ne goûtait rien qui fût incomplet. Quand il s'agissait de plaisir, il voulait que tout fût plaisir et n'était pas homme à acheter une jouissance par un moment d'ennui. S'il avait une loge au spectacle, il voulait que la voiture qui les menait fût douce, que le dîner eût été bon et qu'aucune idée fâcheuse ne pût se présenter en sortant. Mais il buvait de bon cœur la piquette dans un cabaret de campagne et se mettait à la queue pour aller au parterre. C'était alors un autre élément et il n'y faisait pas le difficile. Mais il gardait dans ses bizarreries une sorte de logique et s'il y avait en lui deux hommes divers, il ne se confondait jamais. Ce caractère étrange provenait de deux causes, peu de fortune et un grand amour du plaisir. La famille de Valentin jouissait de quelque aisance, mais il n'y avait rien de plus dans la maison qu'une honnête médiocrité. Une douzaine de 1000 francs par an dépensés avec ordre et économie, ce n'est pas de quoi mourir de faim. Mais quand une famille entière vit là-dessus, ce n'est pas de quoi donner des fêtes. Toutefois, par un caprice du hasard, Valentin était né avec des goûts que peut avoir le fils d'un grand seigneur. À père avare, dit-on, fils prodigue. À parent économe, enfant dépensier. Ainsi le veut la Providence, que cependant tout le monde admire. Valentin avait fait son droit et était avocat sans cause, profession commune aujourd'hui. Avec l'argent qu'il avait de son père et celui qu'il gagnait de temps en temps, il pouvait être assez heureux, mais il aimait mieux tout dépenser à la fois et se passer de tout le lendemain. Vous vous souvenez, madame, de ces marguerites que les enfants effeuillent brin à brin? Beaucoup, disent-ils à la première feuille, passablement à la seconde, et à la troisième pas du tout. Ainsi faisait Valentin de ses journées, mais le passablement n'y était pas, car il ne pouvait le souffrir. Pour vous le faire mieux connaître, il faut vous dire un trait de son enfance. Valentin couchait, à 10 ou 12 ans, dans un petit cabinet vitré derrière la chambre de sa mère. Dans ce cabinet d'assez triste apparence, encombré d'armoires poudreuses, se trouvait, entre autres nippes, un vieux portrait avec un grand cadre doré. Quand, par une belle matinée, le soleil donnait sur ce portrait, l'enfant, à genoux sur son lit, s'en approchait avec délices. Tandis qu'on le croyait endormi, en attendant que l'heure du maître arrivât, il restait parfois des heures entières, le front posé sur l'angle du cadre. Les rayons de lumière, frappant sur les dorures, l'entourait d'une sorte d'auréole où nageait son regard ébloui. Dans cette posture, il faisait mille rêves. Une extase bizarre s'emparait de lui. Plus la clarté devenait vive et plus son cœur s'épanouissait. Quand il fallait enfin détourner les yeux, fatigué de l'éclat de ce spectacle, il fermait alors ses paupières et suivait avec curiosité la dégradation des teintes nuancées dans cette tache rougeâtre qui reste devant nous quand nous fixons trop longtemps la lumière. Puis il revenait à son cadre et recommençait de plus belle. Ce fut là, m'a-t-il dit lui-même, qu'il prit un goût passionné pour l'or et le soleil, deux excellentes choses du reste. Ses premiers pas dans la vie furent guidés par l'instinct de sa passion native. Au collège, il ne se lia qu'avec des enfants plus riches que lui, non par orgueil, mais par goût. Précoce d'esprit dans ses études, l'amour-propre le poussait moins qu'un certain besoin de distinction. Il lui arrivait de pleurer au milieu de la classe, quand il n'avait pas le samedi sa place au banc d'honneur. Il achevait ses humanités et travaillait avec ardeur lorsqu'une dame, amie de sa mère, lui fit cadeau d'une belle turquoise. Au lieu d'écouter la leçon, il regardait sa bague reluire à son doigt. C'était encore l'amour de l'or, tel que peut le ressentir un enfant curieux. Dès que l'enfant fut homme, ce dangereux penchant porta bientôt ses fruits. À peine eut-il sa liberté, qu'il se jeta sans réflexion dans tous les travers d'un fils de famille. Né d'humeur gaie, insouciant de l'avenir, l'idée qu'il était pauvre ne lui venait pas et ne semblait pas s'en douter. Le monde le lui fit comprendre. Le nom qu'il portait lui permettait de traiter en égaux des jeunes gens qui avaient sur lui l'avantage de la fortune. Admis par eux, comment les imiter? Les parents de Valentin vivaient à la campagne. Sous prétexte de faire son droit, il passait son temps à se promener aux Tuileries et aux boulevards. Sur ce terrain, il était à l'aise. Mais quand ses amis le quittaient pour monter à cheval, force lui était de rester à pied, seul et un peu désappointé. Son tailleur lui faisait crédit. Mais à quoi sert l'habit quand la poche est vide? Les trois quarts du temps, il en était là. Trop fier pour vivre en parasite, il prenait à tâche de dissimuler ses secrets motifs de sagesse, refusait dédaigneusement des parties de plaisir où il ne pouvait payer son écho, et s'étudiait à ne toucher aux riches que dans ses jours de richesse. Ce rôle, difficilement soutenu, tomba devant la volonté paternelle. Il fallut choisir un état. Valentin entra dans une maison de banque. Le métier de commis ne lui plaisait guère, encore moins le travail quotidien. Il alla au bureau, l'oreille basse. Il avait fallu renoncer aux amis en même temps qu'à la liberté. Il n'en était pas honteux, mais il s'ennuyait. Quand arrivait, comme dit André Chénier, le jour de la veine dorée, une sorte de fièvre le saisissait. Qu'il eût des dettes à payer ou quelque emplette utile à faire, la présence de l'or le troublait à tel point qu'il en perdait la réflexion. Dès qu'il voyait briller dans ses mains un peu de ce rare métal, il sentait son cœur tressaillir et ne pensait plus qu'à courir, s'il faisait beau. Quand je dis courir, je me trompe. On le rencontrait ce jour-là dans une bonne voiture de louage qui le menait au rocher de Cancale. Là, étendu sur les coussins, respirant l'air ou fumant son cigare, il se laissait bercer mollement, sans jamais songer à demain. Demain, pourtant, c'était l'ordinaire. Il fallait redevenir commis. Mais peu lui importait, pourvu qu'à tout prix, il eût satisfait son imagination. Les appointements du mois s'envolaient ainsi en un jour. Il passait, disait-il, ses mauvais moments à rêver, et ses beaux moments à réaliser ses rêves. Tantôt à Paris, tantôt à la campagne, on le rencontrait avec son fracas, presque toujours seul, preuve que ce n'était pas vanité de sa part. D'ailleurs, il faisait ses extravagances avec la simplicité d'un grand seigneur qui se passe un caprice. Voilà un bon commis, direz-vous. Aussi le mit-on à la porte. Avec la liberté, l'oisiveté revint des tentations de toute espèce. Quand on a beaucoup de désirs, beaucoup de jeunesse et un peu d'argent, on court grand risque de faire des sottises. Valentin en fit d'assez grandes. Toujours poussé par sa manie de changer des rêves en réalité, il en vint à faire les plus dangereux rêves. Il lui passait, je suppose, par la tête de se rendre compte de ce que peut être la vie d'un tel qui a 100 000 francs à manger par an. Voilà mon étourdi qui, toute une journée, n'en agissait ni plus ni moins que s'il eût été le personnage en question. Jugez où cela peut conduire avec un peu d'intelligence et de curiosité. Le raisonnement de Valentin sur sa manière de vivre était, du reste, assez plaisant. Il prétendait qu'à chaque créature vivante revient de droit une certaine somme de jouissance. Il comparait cette somme à une coupe pleine que les économes vident goutte à goutte et qu'il buvait, lui, à grands traits. « Je ne compte pas les jours, disait-il, mais les plaisirs. Et le jour où je dépense 25 louis, j'ai 182 500 livres de rente. » Au milieu de toutes ces folies, Valentin avait dans le cœur un sentiment qui devait le préserver. C'était son affection pour sa mère. Sa mère, il est vrai, l'avait toujours gâté. « C'est un tort, dit-on, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le meilleur et le plus naturel des torts. » L'excellente femme qui avait donné la vie à Valentin fit tout au monde pour la lui rendre douce. Elle n'était pas riche, comme vous savez. Si tous les petits écus glissés en cachette dans la main de l'enfant chéri s'étaient trouvés tout à coup rassemblés, ils auraient pourtant fait une belle pile. Valentin, dans tous ses désordres, n'eut jamais d'autre frein que l'idée de ne pas rapporter un chagrin à sa mère. Mais cette idée le suivait partout. De notre côté, cette affection salutaire ouvrait son cœur à toutes les bonnes pensées, à tous les sentiments honnêtes. C'était pour lui la clé d'un monde qu'il n'eût peut-être pas compris sans cela. Je ne sais qui a dit le premier qu'un être aimé n'est jamais malheureux. Celui-là eût pu dire encore « Qui aime sa mère n'est jamais méchant ». Quand Valentin regagna le logis après quelques folles équipées, traînant l'aile et tirant le pied, sa mère arrivait et le consolait. Qui pourrait compter les soins patients, les attentions en apparence facile, les petites joies intérieures par lesquelles l'amitié se prouve en silence et rend la vie douce et légère? J'en veux citer un exemple en passant. Un jour que l'étourdi garçon avait vidé sa bourse au jeu, il venait de rentrer de mauvaise humeur. Les coudes sur la table, la tête dans ses mains, il se livrait à ses idées sombres. Sa mère entra, tenant un gros bouquet de roses dans un verre d'eau qu'elle posa doucement sur la table à côté de lui. Il leva les yeux pour la remercier et elle lui dit en souriant « Il y en a pour 4 sous ». Ce n'était pas cher, comme vous voyez. Cependant, le bouquet était superbe. Valentin, resté seul, sentit le parfum frapper son cerveau excité. Je ne saurais vous dire quelle impression produisit sur lui une si douce jouissance, si facilement venue, si inopinément apportée. Il pensa à la somme qu'il avait perdue. Il se demanda ce qu'on aurait pu faire la main maternelle qui le consolait à si bon marché. Son cœur gonflé se fondit en larmes, et il se souvint des plaisirs du pauvre qu'il venait d'oublier. Ces plaisirs du pauvre lui devinrent chers à mesure qu'il les connut mieux. Il les aima parce qu'il aimait sa mère. Il regarda peu à peu autour de lui, et ayant un peu essayé de tout, il se trouva capable de tout sentir. Est-ce un avantage? Je n'en puis rien dire encore. Chance de jouissance, chance de souffrance. J'aurais l'air de faire une plaisanterie si je vous dis qu'en avançant dans la vie, Valentin devint à la fois plus sage et plus fou. C'est pourtant la vérité pure. Une double existence se développait en lui. Si son esprit habile l'entraînait, son cœur le retenait au logis. S'enfermait-il, décidé au repos, un orgue de barbarie, jouant une valse, passait sous la fenêtre et dérangeait tout. Sortait-il alors, et selon sa coutume, courait-il après le plaisir, un mendiant rencontré en route, un mot touchant trouvé par hasard dans le fatras d'un drame à la mode, le rendait pensif, et il retournait chez lui. Prenait-il la plume, et s'asseyait-il pour travailler, sa plume distraite esquissait sur les marges d'un dossier la silhouette d'une jolie femme qu'il avait rencontrée au bal. Une bande joyeuse, réunie chez un ami, l'invitait-elle à rester à souper, il tendait son verre en riant, et buvait une copieuse rasade. Puis il fouillait dans sa poche, voyait qu'il avait oublié sa clé, qu'il réveillerait sa mère en rentrant. Il s'esquivait et revenait respirer ses roses bien-aimées. Tel était ce garçon, simple et cervelé, timide et fier, tendre et audacieux. La nature l'avait fait riche, et le hasard l'avait fait pauvre. Au lieu de choisir, il prit les deux parties. Tout ce qu'il y avait en lui de patience, de réflexion et de résignation ne pouvait triompher de l'amour du plaisir. et ses plus grands moments de déraison ne pouvaient entamer son cœur. Il ne lutta ni contre son cœur, ni contre le plaisir qui l'attirait. Ce fut ainsi qu'il devint double et qu'il vécut en perpétuelle contradiction avec lui-même, comme je vous le montrais tout à l'heure. Mais c'est de la faiblesse, allez-vous dire. Eh mon Dieu, oui, ce n'était pas là un Romain. Mais nous ne sommes pas ici à Rome. Nous sommes à Paris, madame, et il est question de deux amours. Heureusement pour vous, le portrait de mes héroïnes sera plus vite fait que celui de mon héros. Tournez la page, elles vont entrer en scène.